On va parler avec l'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, Larry Smith, parce qu'il y a eu, il y a eu des rumeurs cette semaine, en fin de semaine, à la Coupe Grey. Et je n'ai parlé un peu avec Shane Gauthier. Les gens qui m'ont entendu que Shane Gauthier, on en a parlé à la toute fin, mais quoi qu'il en soit, la Ligue canadienne de football pourrait avoir des transformations profondes. En ligne, l'ancien président des Alouettes de Montréal et ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, Larry Smith. Bonjour, Larry. Salut, Danny. Ça va bien, Larry? La santé est toujours oui, bonne? Oui, ça va très bien. La santé est toujours bonne? Oui. oui, tout va bien. OK. Larry, écoute, je voulais t'appeler parce que quelque part, il y a eu il y a des rumeurs qui circulent en fin de semaine. Ça a commencé à circuler. TSN en a parlé. Également, ça a été sur RDS avec Mathieu Proulx. La Ligue canadienne de football a eu des baisses de revenus terribles dues à la COVID. Et là, on pense, le commissaire Andy Ambrose avec les gouverneurs songerait à regarder un petit peu pour voir, rebrasser un peu les cartes de la Ligue canadienne de football. Et on voudrait peut-être passer à 4 essais, également baisser le ratio de joueurs canadiens. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve à quelque part que c'est ça qui différencie la Ligue canadienne de football, le jeu à 4 essais. Comment tu réagis face à ces rumeurs-là? Mais j'ai écouté quelques entrevues avec M. Ambrosi, puis les gens de TSN, CBC, etc. Si je comprends bien ce qu'il a dit, c'est que il va faire une analyse avec tous les associés, les propriétaires, etc. Mm. Et il va poser des questions. Et les questions... naturellement, j'imagine qu'il va y avoir des questions sur les sujets comme changer quelques règles ou le ratio, etc. Il a dit, et il était très clair, c'est que il n'y a pas de position organisée ou développée à ce temps-là. Okay. C'est juste le début de la conversation. Il faut, Danny, que les gens vont vraiment comprendre les nuances vis-à-vis l'opération de la LCF. Nous avons aussi au Canada une couple de choses, facteurs très importants. Un, nous n'avons pas le même nombre de télévisions au Canada qu'aux États-Unis. Cet marché est 10 fois plus grand que la nôtre. Ça, c'est la règle de jour que les gens utilisent. Alors, en disant ça, les revenus, le potentiel de revenus au Canada, c'est beaucoup inférieur qu'aux États-Unis. Maintenant, si vous êtes le commissaire, comme j'étais, j'ai eu le mandat des propriétaires de faire l'expansion de la Ligue. Ce n'était pas mon mandat à moi, c'était le mandat de la Ligue. J'étais accepté comme commissaire parce que j'ai accepté ça. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, M. Ambrosi, naturellement, il essaie de trouver des moyens d'augmenter les revenus de la Ligue, la LCF. Ils ont implanté une espèce de partage des coûts et profits, et je pense que ça, c'est bon. Mais maintenant, les autres questions... Oui, mais Larry, les autres... Vas-y, continue, puis je vais poser des questions. Continue. Mais les autres éléments sont que qu'est-ce qu'ils vont faire avec les règles? Et ça, là, c'est une discussion qui monte chaque que vous avez un nouveau commissaire, puis chaque fois que tu parles des revenus puis la rentabilité de la Ligue, il faut qu'il va trouver des moyens d'augmenter les revenus. Maintenant, la sensibilité en arrière des règles, c'est très, très important. Un autre élément qu'il essaie de faire, Danny, c'est qu'il essaie de développer la nouvelle génération. Les gens de 30 5, 45, 55, etc. Les gens plus âgés, naturellement, vont avoir une réaction beaucoup plus développée contre 4 essais. Et moi, je comprends ça parce que moi, je ne veux pas avoir 4 essais. Et je ne pense pas à cette fois ici, vis-à-vis timing, que les 4 essais, c'est dans le jeu. Maintenant, c'est naturel, c'est normal qu'il va discuter ça. Mais par contre, est-ce qu'il va l'accepter? Et il faut que tout le monde dans la Ligue comprenne qu'il va avoir une réaction négative d'un grand pourcentage des gens qui sont des supporters de la LCF. Mais c'est les discussions qu'il va naturellement avoir, parce que c'est dans ces discussions sur l'avenir de la Ligue, il faut qu'il peut bâtir ou construire un modèle de rentabilité qui est faisable. OK? Le mot-clé, faisable. Ouais. Alors, est-ce que ça dit, qu'il y a des nuances que les gens aux États-Unis ont que nous pourrions peut-être adapter? Il faut admettre une chose. Quand vous regardez le NFL aujourd'hui, puis les jeux qu'ils font avec les trick plays, avec les end-around, avec les retours, etc., ça, c'est les règles qui viennent de la LCF qu'ils ont pris pour améliorer leur ligue. Ouais, effectivement. OK? So, il faut garder tout ça en perspective. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà décidé? Moi, je ne suis pas dans ces meetings-là, mais je peux dire, ou je pense que je peux dire, que tout est sur discussion dans les prochains meetings qu'il va y avoir, mais ils n'ont pas pris des positions fermes. Ouais. Parce que c'est normal qu'ils essayent de voir qu'est-ce que nous pourrions faire pour augmenter la rentabilité de cette ligue-là. Parce que tu ne peux pas avoir 4 sur 9 franchises qui marchent mal. Il faut avoir un modèle qui marche. Ouais. So, ça dit quoi? Ça dit que probablement beaucoup de discussions, beaucoup de développement des plans d'action, et les gens ne sont pas fous. Ils vont essayer de trouver, développer ou chercher les meilleurs aliments du football période pour augmenter la capacité et la rentabilité de cette ligue-là. Mais il faut toujours savoir, il faut toujours comprendre qu'est-ce que vos amateurs, qu'est-ce que eux autres veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Et ça, là, ça, c'est la recherche qui est importante à trouver et développer. Ouais. Mais Larry, toi, la Ligue, ça se compare pas mal. Quand tu as pris les reins de la Ligue canadienne en 92, la Ligue était en faillite. C'est là que j'ai suivi l'expansion aux États-Unis. Est-ce que, je te pose la question, est-ce qu'une expansion à Halifax, même Québec, là, Québec, je trouve ça dommage que le projet n'aboutisse pas, il n'y a pas d'appétit, quelque part on rêve encore au Nordique, sauf que je sens qu'une rivalité Montréal-Québec, ça serait bon pour le football, ça serait bon pour la Ligue canadienne. Est-ce qu'une expansion, ça serait le bienvenu? Parce qu'on peut pas retourner aux États-Unis parce que effectivement la USFL s'en vient, la XFL, donc le marché des États-Unis n'est pas ouvert, là, comme ça l'était à ton époque. Mais il faut comprendre une chose, le XFL, le football au printemps, c'était jamais eu le succès. Ouais. Ils ont essayé des fois, puis c'était tombé, alors que il y a des gens qui veulent développer l'autre marché, qui sont les Américains, dans les États-Unis, mais par contre, jusqu'au temps qu'ils trouvent un modèle qui est faisable, qui peut marcher, ça va jamais exister. Maintenant, parlant du Canada, moi là, j'étais un des gens qui a essayé de rentrer dans la ville de Québec en parlant avec les gens. Mais il faut comprendre que l'Université Laval, ils ont une dominance dans le marché universitaire au Canada. Puis c'était très dur de pénétrer les gens qui contrôlent le marché du hockey et du football universitaire dans la ville de Québec. Puis il faut admettre ça, OK? Ils ont un marché pour eux qui est vraiment bien développé. Puis ils ont un noyau. Puis ils ont une façon de vraiment avoir le succès. Puis est-ce que ces gens-là veulent avoir le LCF dans leur ville? OK? Ouais. Halifax est un autre facteur. Halifax est un marché avec beaucoup de potentiel, mais par contre, comment se développe ce potentiel-là? Puis qui sont les gens qui vont mettre leur argent en arrière d'un effort ou un expériment comme ça, Danny? Ça, c'est la question. Ouais. Mais n'oubliez pas, en arrière de ça, il faut que Montréal se développe, Et Montréal, quand nous avons repéré le stade Percival Molson Stadium, là, nous avons dit que cette réparation, cette augmentation de la capacité, ça va durer 10 ans. Mm. Savez-vous, quand nous avons terminé cette expansion-là, c'était 2010. Maintenant, nous sommes rendus à 2021. Ouais. So, est-ce que... Ça, c'est une chose. Jusqu'au temps qu'une stade, qui est vraiment rentable, vous avez des problèmes à Montréal. Deuxième chose, Toronto, ils ont monté un peu cette année, mais Toronto, c'est un problème encore. Mm. Alors, ouais. vous avez aussi la situation dans Vancouver. C'est bon que nous avons un propriétaire avec beaucoup d'argent, mais par contre, c'est un bonhomme qui va regarder ça, il dit, OK, montez-moi, mes gens, le plan d'action qui va nous amener aux rentabilités. Mm. Donc, nous avons encore 3 ou 4 franchises au Canada avec des challenges. So, il faut que le commissaire va rentabiliser ces franchises-là pour que au moins vous avez 9 qui sont très forts. Si nous pourrions ajouter un comme Halifax avec Québec, ça va prendre vraiment un changement d'attitude avec les gens du Québec parce que ils ont le contrôle de marché. Puis on rêve encore au Nordique à Québec. Malheureusement, on rêve encore au Nordique. Puis quand on va rêver au Nordique, je dis toujours, il regarde la fille, mais la fille veut pas de toi. Fait qu'à un moment donné, faut que tu changes de track, faut que tu regardes d'autres choses. Puis il me semble qu'il y aurait moyen d'avoir 2 équipes. C'est rien que 16 matchs en tout et partout, là, les 2 équipes en même temps. Là. Avec l'Est du Québec et ainsi de suite, rivalité avec les Alouettes, mais ça prend de l'intérêt quand même. Je trouve ça dommage, puisque Québec serait un marché intéressant. Mais Larry, c'est pas nouveau, là. Écoute, moi, ça fait 40 ans que je suis la Ligue canadienne de football. Ça fait 40 ans qu'on parle de ça. Ça a toujours été chambranlant. Ça a toujours été très dur. Mais à quelque part, la Ligue est encore là. Oui. Et grâce au fait qu'il y a des gens qui croient dans le football, ils croient dans les communautés francophones, anglophones, toutes les communautés, puis les gens croient dans l'historique de la Ligue et le potentiel. Mais plus important que ça, ils croient dans nos jeunes, parce que nos jeunes sont les gens qui vont former les joueurs futurs dans la LCL. Ouais. Est-ce que dans l'Ouest canadien, moi, tu connais Larry, tu connais beaucoup plus l'Ouest canadien que moi, je pense que si dans l'Est, les gens sont ouverts à passer à 4 essais, c'est pas sûr que dans l'Ouest, à Edmonton, en Saskatchewan, que ça fait 108 ans qu'on joue à 3 essais, qu'on va vouloir passer à 4 essais. Je suis pas sûr, j'ai l'impression que ça va être un méchant débat dans l'Ouest du pays. Hein. Pas sûr, moi, qu'ils vont triper tant que ça. Là. Est-ce que je me trompe? Mais je pense que, Danny, tu as raison, c'est que les gens dans l'Ouest sont plus rattachés, conservateurs, dans le sens que le football, puis la façon de jouer le football, etc. Puis n'oubliez pas que si vous êtes à Regina, vous avez un bel stade. Avez 33 000 personnes, c'est sold out, c'est vendu, c'est chaque match. Et c'est la même chose avec Winnipeg maintenant. Alors, la seule ville qui a vraiment un challenge, un défi, c'est Vancouver et Edmonton. Mais Edmonton, ils ont laissé aller tous l'administration des coachs, etc. Il faut que eux autres, là, avec l'histoire en arrière des Elks, il faut qu'ils vont réparer la situation vite. Mais vous savez que pour réparer quelque chose, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend les engagements très, très important. Alors, je pense que Mr. Ambrosi a bien positionné pendant la fin de semaine que tout est sur la table, mais tout est sur la table dans le sens que c'est les questions sur la table. Mm. Pas les actions, Dan, c'est les questions. Ouais. Et il faut que les gens vont analyser des questions pour vraiment déterminer s'il y a des changements ou ajustements. Mais moi, je pense que, et c'est juste mon opinion, je pense que prenez les meilleures choses de tout ce qui existe concernant le football, vis-à-vis marketing, vis-à-vis qui fait quoi. Mais avant que vous faites des changements, il faut vraiment analyser avec vos clients. Et vos clients sont les citoyens du Canada, du Québec, de toutes les provinces où nous avons les équipes. Et je pense pas que vous allez voir des changements jusqu'au temps que vraiment il y a une discussion partout. Le pays du Canada et toutes les provinces, parce que l'importance de football est là. Parce que, quelque part, Larry, tu me dis, c'est ça qui nous différencie. C'est pratiquement un autre sport. Si tu si adoptes les règlements de la NFL avec le même terrain, les mêmes joueurs, le même nombre d'essais, il me semble que dans la tête du monde, ça va être vu comme une ligue mineure. Là, moi, genre, je vois pas nécessairement ça comme... Oui, c'est une ligue mineure, mais sauf que je vois pas nécessairement ça comme une ligue mineure parce que c'est un football différent. C'est une stratégie différente. C'est pas du tout la même affaire. Et, tandis que si t'arrives avec 4 SL, le terrain de la NFL, les gens vont le regarder comme la Ligue américaine. Mais, Danny, vous avez raison. Et c'est pourquoi que tu peux regarder la situation en disant qui sera les meilleures choses que nous pourrions faire pour nous aider? Alors, je pense que c'est une question qui va vraiment demander une évaluation suprême. Et je dis une chose, c'est que avec le nouveau entente qu'ils ont avec Genius, ça c'est les gens qui font du betting, ça c'est vraiment le bill que nous avons passé. Je pense que c'était le bill 218 qui fait les gages sur chaque match, single game betting, il dit en anglais. Et je pense que ça va vraiment augmenter le potentiel de revenus, pas juste pour le LCF, mais pour le NHL, puis la Ligue nationale de hockey. Tu parles du pari sportif, là. C'est ça que tu parles, là? C'est ça. Ça va aider beaucoup, là. Ça va aider énormément, là. Écoute, c'est la prochaine vache à lait du sport. Ouais. Moi, je pense. Oui. Effectivement. Mais, Larry, merci beaucoup. Je pense... Oui, vas-y, continue. Non, mais je pense que le point que je veux renforcer, c'est le suivant. C'est le job de commissaire de mettre tous les éléments de la Ligue sur la table avec les propriétaires et avec le grand public pour que, si nous avons fait des ajustements, et les ajustements, des fois, Danny, sont différents que les changements, de faire une différence, d'ajouter quelque chose qui peut aider le LCF. Parce que vous avez raison, c'est pas une ligue mineure, c'est une ligue qui est différente. Le football ici est différent. Et le match que nous avons eu hier contre les Bombers de Winnipeg et les Tiger Cats était extraordinaire, là. OK? Overtime, temps supplémentaire, puis un jeu qui a changé le match, mais c'est un jeu qui a passé 3 ou 4 fois pendant les 60 minutes avant le temps supplémentaire. Alors, c'était incroyable. Et je sais que M. Ambrosi, il a le bon sens de dire, OK, mettre les choses sur la table, évaluer ça, étudier ça, mais faisant pas des décisions trop vite, parce que là, vous avez 108 ans d'historique en arrière de cette ligue. Moi, je pense que dans l'ouest du pays, ça va. J'ai hâte de voir cette semaine. Je vais faire une entrevue avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton sur un autre sujet, mais je vais y en parler. Puis je suis pas mal convaincu que dans l'ouest, ce sera pas bien vu du tout. Puis c'est là que l'argent est pour la Ligue canadienne de football. Larry, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci, Danny. L'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, Larry Smith.